Alors, la dernière classe, c'est bien entendu notre cher ami, le DK. Donc, le DK, le Chevalier de la Mort, va avoir droit à pas mal de changements, d'après ce que j'ai pu voir. Donc, on va donc commencer par les nouveaux sorts. Donc, le premier sort au niveau 80 sera donc le sort Affection. J'aime bien ce nom, Affection. Donc, Affection affectera la cible à la fois avec Fièvre de Givre et Peste de Sang sans coûter de runes. Donc, un bon petit sort gratuit, ça fait pas mal, hein, surtout qu'en plus, il combine deux types d'attaques. Cette technique permettra au Chevalier de la Mort d'appliquer rapidement des maladies quand il voudra passer de cible en cible. Donc en fait, ce sera pour pouvoir un petit peu quasiment un AOE si le mec est rapide, quoi. Ensuite, la frappe nécrotique au niveau 83. Cette nouvelle attaque infligera des dégâts de larmes et un affaiblissement qui absorbera le montant de soins proportionnels aux dégâts infligés. Donc j'explique. En fait, ce sera donc une frappe différente. Par exemple, d'un type de frappe mortelle qui infligera, par exemple, admettons, vous avez une frappe qui infligerait 10 000 points de dégâts. Celle-ci infligera, par exemple, 6 000 points de dégâts et, par contre, empêchera, en fait, absorbera, si vous voulez, 4 000 points de soins que la cible pourrait recevoir. C'est-à-dire que bah, la cible ne pourra pas être soignée, la personne qui voudra le soigner bah, de ses 10 000 points de dégâts. De ses 6 000 points de dégâts, admettons, devra lui infliger 4 000 points de soins. Ensuite, le sort niveau 85, qui sera Sombre Simulacre, le Chevalier de la Mort frappera donc une cible et appliquera un affaiblissement qui lui permettra de copier le prochain sort lancé. C'est un petit peu comme le renvoi de sort, c'est pas pareil, parce que c'est-à-dire que le DK va donc frapper une cible, admettons un mage. Le mage, qu'est-ce qu'il va lui faire? La prochaine attaque va lui envoyer un javelot de glace. Le DK va prendre l'attaque, donc va recevoir les dégâts, contrairement au renvoi de sort du guerrier, mais va pouvoir relancer la même attaque. C'est-à-dire, va lui renvoyer un javelot de glace. Donc, ça peut être pas mal. Après, je ne sais pas vraiment si c'est si c'est bien, au contraire, si c'est bien, moins bien ou mieux que le renvoi de sort, mais c'est tout à fait sympathique. Par contre, je vois pas vraiment où c'est à moi peut-être de renvoyer une attaque comme un tir mortel d'un chasseur. Là, ça peut être pas mal parce que ça fait bobo. Ensuite, les modifications du système de runes. Donc là, c'est un truc assez important et assez qui a l'air assez compliqué à la base, mais en fait est assez simple. C'est que dans le système de runes actuel, chaque fois qu'une rune est inactive, le Chevalier de la Mort perd un certain potentiel sur les dégâts qu'il peut infliger. Par comparaison, les voleurs ont la plupart du temps un niveau d'énergie faible. Et s'ils sont incapables d'utiliser leur capacité pendant quelques secondes, cette énergie s'accumule et peut être dépensée plus tard. Donc elle est comptée en points, par exemple sur 100 ou 110 points. Il n'a qu'à attendre d'avoir le montant d'énergie correct et il va en utiliser qu'une certaine partie. D'accord? C'est sur une barre unique. En fait, si vous voulez, les runes du Chevalier de la Mort ne pouvaient pas être utilisées à moins d'être complètement actives, chacune. Ce qui obligeait, si vous voulez, le Chevalier de la Mort quasiment à attendre d'avoir la rune complète pour effectuer certains sorts, pour envoyer certains coups. Et là, en fait, ils vont faire en sorte que les runes ne se régénèrent pas en même temps une fois qu'elles ont toutes été utilisées, mais chacune l'une après l'autre, ce qui fera en sorte que il n'y ait pas de perte de runes. Et donc, en fait, le DK pourra, entre guillemets, stocker l'excès. C'est-à-dire que s'il n'utilise qu'un certain nombre de puissance runique, le reste ne va pas être gaspillé à cause du recharge d'une rune. C'est-à-dire qu'il va pouvoir donc les stocker. Enfin, c'est une façon de parler. C'est un peu compliqué à l'explication, mais en fait, c'est simplement pour permettre au DK d'avoir un DPS constant. C'est-à-dire qu'il ne se retrouve pas comme un imbécile pendant 3-4 secondes à ne pas pouvoir taper. Comme il s'agit d'un changement majeur dans les mécanismes du Chevalier de la Mort, il faudra bien évidemment que ce soit mis en place. Donc, il y aura peut-être au début, peut-être même des bévues au niveau du système de recharge de runes. Mais bon, je pense qu'on peut leur faire confiance. Ce sera assez vite mis en place correctement. Ensuite, les changements concernant les talents. L'un des plus grands changements que les développeurs préparent est la conversion de l'arbre de sang en arbre tank. Alors ça, ça avait pas mal fait réagir aussi au niveau des forums par rapport aux changements, comme je le disais dans le Hotaku précédent en fait, que partout les gens se sont même offusqués, ont même limite proféré des insultes par rapport à ça. Moi, je trouve que c'est tout à fait bien. C'est que l'arbre sang soit voué au tank. Pourquoi? Parce que si on remarque, l'arbre sang permet donc de se régénérer. par rapport au coût qu'on donne, donc c'est déjà très bien. On peut se permettre d'avoir beaucoup de points de vie quand on a un équipement de tank en spé 100, donc c'est un peu normal que ça devienne une spé tank à proprement parler. Ensuite, donc les talents de tank qui étaient les plus intéressants et les plus amusants, donc seront déplacés tous dans l'arbre sang. Par exemple, sans vampirique et volonté de la nécropole resteront, alors que bouclier d'os, par exemple, irait plus vers impie. L'aspect DPS est voué aux maladies, donc ça restera impie, donc sera vraiment focalisé là-dessus. Et l'aspect gif sera un petit peu une spé contrôle de masse, une spé un petit peu entre deux, qui sera, je pense, aussi très, très agréable à jouer, peut-être pour être plus polyvalent, ce soit entre le PvE et le PvP. Ensuite, donc les attraits par rapport aux arbres de talent. Donc l'arbre sang, donc réduction des dégâts, vengeance, comme toutes les autres classes spé tank, et absorption des soins. Absorption des soins, qu'est-ce que c'est? C'est quand le DK donc, se soignera, il recevra un effet supplémentaire qui absorbera les dégâts entrants. Donc un petit peu comme la bubule du prêtre, je crois, qui proc quand il se soigne. Ensuite, l'aspect givre, donc dégâts en mêlée, hâte en mêlée et génération de puissance runique. C'est-à-dire que ce sera un petit peu l'équivalent de l'aspect fureur du guerrier, donc plus rapide, qui tape rapidement et assez fort. Et donc l'aspect impie, dégâts en mêlée, critique des sorts et en mêlée, et dégâts des maladies. Donc comme j'ai dit, plus du côté de la maladie. Donc génération de la puissance runique par rapport à l'aspect givre, donc le nom évocateur, hein, qui sera très intéressant par rapport au nouveau système de régénération des runes. Les dégâts des maladies pour l'aspect impie, ce sera que les chevaliers de la mort impie pourront obtenir davantage de leur maladie, car les maladies représentent un élément important donc pour cet arbre de talent. Je pense que ce sera pas mal si en plus ce sera couplé avec la hâte ou quoi que ce soit, ça risque de faire bobo. Ensuite, donc la vengeance, on en a déjà parlé pour tous les types de spé tank, hein, on va pas revenir là-dessus. Ça sera simplement donc augmenter les dégâts quand on est tank.